oui. Je ne suis pas chanteuse, je ne fais que m'amuser. Play what you feel. I try to follow. If not, I will play bad bass. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté et j'ai l'impression d'avoir perdu tout ce qui était bon dans mes cordes vocales. J'improvise, de toute façon. Et si ça va pas, vous me mutez. Tout terrain. Oh oui, tout terrain, c'est trop drôle. It's the birthday for my daughter today, so maybe, if you have an idea. Merci, merci. Je l'ai laissé parce que elle est horrible. Je ne vais pas te parler de Jambata que je ne maîtrise toujours pas, écrit par. Donc laisse tomber. Alors, tu m'as dit le reverb. Le seul truc, c'est que je n'arrive pas à choper le reverb. Je n'ai pas accès au à la configuration du reverb. Ok, j'ai enlevé. Mais je chante dans ma salle de bain. C'est le délai, peut-être, que tu... Vas-y, Jean-Luc, lance un truc. Sinon, dans 3 jours, on y est encore. Attends, j'ai mis au minimum. Attends. Voilà. Summertime. Là, elle est trop près de ma voix. J'aime pas du tout. Summertime. Summertime. Summertime. La la la. Delay, tu ne te moques pas de moi. Summertime, so la la la la la. Mais tu attends, tu sais quoi? Non. Tu sais quoi? L'autre jour, j'étais à deux doigts de réussir à mettre Reaper avec Jambata, sauf que tout a bugué. Et je me suis aperçue qu'en final, le nouveau Jambata était incompatible. Donc j'ai remis le vieux et tout refonctionne.